Hallelujah. Hallelujah. Today we are starting on a very important message. Aujourd'hui, nous commençons un message très important. The message I'm going to give you. Le message que je vais vous donner. You will not find it anywhere else. Vous n'allez pas le trouver nulle part ailleurs. Only the Lord downloaded this to me. Seul le Seigneur me l'a révélé. For you. Pour vous. Alléluia. Alléluia. So please. Alors, s'il vous plaît. Touch this. Saisissez-le. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today, we are starting on a very important message. Aujourd'hui, nous commençons un message très important. And I'm going to describe some two visions first. Et je vais commencer à décrire quelques deux visions premièrement. And then we are going to walk very slowly, baby steps. Et ensuite, on veut aller très lentement, comme des pas de bébé. That you may not miss anything. Pour que vous ne puissiez rien manquer. Write the scriptures, write everything, even as the Lord gives it. Écrivez les Écritures. Écrivez toutes choses quand le Seigneur les donne. Because you can now go and share with your families. Parce que vous pouvez maintenant aller et partager avec votre famille. With your churches. Avec vos églises. You can read it for yourself. Vous pouvez le lire pour vous-même. Alléluia. Alléluia. The message I'm going to share on. Le message que je vais partager. Regard the coming of the Messiah. Concerne la venue du Messie. I'll begin with August 19th. Je vais commencer avec le 19 août 2008. In a mighty vision of the Lord. Dans une puissante vision du Seigneur. When the Lord, he lifted me up. Quand le Seigneur m'a élevé. Above the earth. Au-dessus de la terre. And I found myself. Et je me suis trouvé. Standing right before the throne of God. Debout juste devant le trône de Dieu. And when I was standing, et quand j'étais debout, in that vision, dans cette vision, right before the throne of God, juste devant le trône de Dieu, I saw the tremendous glory of God that covered the whole throne. J'ai vu la puissante gloire de Dieu qui couvrait tout le trône. Like a mountain. Comme une montagne. And he made me know. Et il m'a fait savoir that he that sits on the throne, que celui qui est assis sur le trône, was seated on the throne, était assis sur le trône. After that, après cela, then in a short while, ensuite dans un temps court, from the throne of God, du trône de Dieu, came a living creature, est venu une créature vivante. And the living creature, et la créature vivante that came out of the throne of God, qui est venue hors du trône de Dieu, he came all the way from the glory of the throne, il est venu tout droit de la gloire du trône towards me, envers moi. And it was very shocking, et c'était très choquant. Very astonishing, ça m'étonnait beaucoup. Very surprising, c'était surprenant. Very stunning, très renversant. To see him coming close, de le voir venir près. And on the face, et sur la face, he was most glorious, il était très glorieux. The face was tremendous glory. La face était une très grande gloire. You talk about righteousness. Vous parlez à propos de justice and holiness. Et sainteté. It was a very holy face. C'était une face très sainte. As he came, quand il est venu, it was a very serious face he presented. C'était une face très sérieuse qu'il présentait. Very serious. Très sérieuse. He was most serious. That's how I write it when I describe it. C'était très sérieux. C'est comme ça que je l'ai décrit quand je l'ai écrit. Then when he came next to me, ensuite, quand il est venu près de moi, I did not understand why he came near me. Je ne comprenais pas pourquoi il est venu près de moi. Only later I understood. Seulement plus tard, j'ai compris. Why? The Father made him come very close to me. Pourquoi le Père l'a amené très près de moi? The God of heaven. Le Dieu des cieux. The Father of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus. He wanted me. Il est venu à moi. To see his face. Pour que je puisse voir sa face. And he knew that after that vision. Et il savait que après j'aurai cette vision, when I would go back to the Bible, quand je retournerai à la Bible, I would be able to identify him. Je serai capable de l'identifier. What number he is. Quel numéro il est. After he came, après qu'il soit venu, then he went back to the glory of God. Ensuite, il est retourné à la gloire de Dieu. When he entered the glory of the Lord, quand il est entré dans la gloire du Seigneur, he then released a black horse. Et ensuite, il a relâché un cheval noir. I had not known that there is a black horse in heaven. Je ne savais pas qu'il y avait un cheval noir dans le ciel. I did not know that. Je ne savais pas cela. Listen to this. Écoutez ça. When the black horse came out, quand le cheval noir est sorti, he went around heaven, il est allé autour des cieux, and then he came towards me, et ensuite il est venu vers moi, and he stopped, et il s'est arrêté with his rider, avec son cavalier in that vision, dans cette vision. And then the rider of the black horse, et ensuite, le cavalier du cheval noir, he allowed the black horse, il a permis au cheval noir to do the following. De faire ce qui suit. First of all, premièrement, the black horse in heaven, le cheval noir dans les cieux, has white mane, a une crinière blanche, which means white hair, qui signifie des cheveux blancs, that starts from here, the neck, qui commence depuis le cou, up to almost here, jusqu'ici. And his white hair is most glorious. Et ses cheveux blancs sont très glorieux. So when he came near me, look at what he did. Alors quand il est venu vers moi, regardez ce qu'il a fait. The black horse now stretched out the white mane, the white hair. Le cheval noir a étendu la crinière blanche, les cheveux blancs. The glorious hair. Les cheveux glorieux. He did like this. Il a fait comme ça. He stretched it out. Il les a étendus. And then he stretched them back on himself. Et ensuite, il les a remis sur lui-même. Then after that, et après ça, I saw the black horse released. J'ai vu le cheval noir relâché. And he was released to the whole earth. Et il était relâché sur toute la terre. I saw him running across the whole earth. Je l'ai vu courir à travers toute la terre. Then I woke up. Et je me suis réveillé. Le 19 août 2008, that next weekend, ce week-end suivant, we were having a huge meeting in Nakuru. Nous étions en train d'avoir un gigantesque rassemblement à Nakuru. More than 2 million people. Plus de 2 millions de gens. When I woke up from the dream, quand je me suis réveillé de ce rêve, that mighty vision of the Lord, cette énorme vision du Seigneur. Then we had a meeting in Nakuru. Ensuite, nous avions le rassemblement à Nakuru. On August 23rd and 24th. Le 23 août et le 24 août 2008. And I went to that meeting. Et je suis allé à ce rassemblement. And stood at the altar. Et j'étais debout sur l'autel. Then I say, et j'ai vu. Listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi, les nations de la terre. Listen to me, the angels in heaven. Écoutez-moi, les anges des cieux. And I say, et j'ai dit, Revelation chapter 6. Apocalypse, chapitre 6. And I say, et j'ai dit, I have seen the release of the black horse. J'ai vu la libération du cheval noir. From the throne of God. Du trône de Dieu in heaven, dans les cieux. And I say, et j'ai dit that that means, que ça signifie there is a global economic crisis coming to the earth, qu'il y a une crise économique globale qui vient sur la terre. And I say, et j'ai dit it also means, ça signifie aussi that there is a global famine coming to the earth. Qu'il y a aussi une famine globale qui vient sur la terre. And I said, et j'ai dit, prepare the way, préparez le chemin for the coming of the Messiah, de la venue du Messie. Then I went off. et je suis parti. Less than 2 months from that prophecy, moins de 2 mois depuis cette prophétie, all the global economies crashed. Toute l'économie globale s'est écrasée. We were in Toronto doing a meeting like this. Nous étions à Toronto faisant un rassemblement comme celui-ci. Crashed, all the financial markets crashed. Écrasé. Tout le marché budgétaire écrasé. People lost money. Des gens ont perdu de l'argent. People lost jobs and everything. Des gens ont perdu leur travail et beaucoup de choses. That is one vision. Ça, c'est une vision. And it is still going on until today. Et c'est encore en train d'aller jusqu'à aujourd'hui. You see everything, stimulus package. Un paquet stimulant. Vous voyez toutes choses. Un paquet stimulant. Stimulus package. Un paquet stimulant. Stimulus package. Un paquet stimulant. So today, alors, aujourd'hui, the title of this message, if you will, le titre de ce message, si vous voulez, is the prophecy of the four apocalyptic horsemen. C'est la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. The prophecy of the four horses of the apocalypse. La prophétie des quatre chevaux de l'apocalypse. And very slowly today. Et très lentement aujourd'hui. You are going to discover. Vous allez découvrir. That inside the message I'm going to give here. Que à l'intérieur du message que je vais donner ici. There are the secrets of God. Il y a les secrets de Dieu. I am going to reveal to you the secrets of God embedded here. Je vais vous révéler les secrets de Dieu qui sont impliqués ici. Regarding the coming of the Messiah. Concernant la venue du Messie. You will find out. Vous allez trouver. That inside this message. Que à l'intérieur de ce message. There is the prophetic timeline of God. C'est la prophétie du temps de Dieu. The prophetic timeline. Le temps prophétique. Where certain events must take place. Où certains événements doivent prendre place. Alléluia. Alléluia. And that's why I want you to be so attentive. C'est pourquoi je désire que vous soyez tellement attentif. Because I will not repeat this. Parce que je ne répéterai pas ceci. Alléluia. Alléluia. Because this can only be released by the Lord. Parce que ça ne peut pas être libéré par le Seigneur. Now listen, precious people. Maintenant, écoutez, peuple précieux. Pastors, catch this. Pasteur, saisissez ceci. So you can prepare the churches. Comme ça, vous pouvez préparer les églises. Now listen very carefully. Maintenant, écoutez très attentivement. One time, when Jesus had finished ministering, un certain temps, quand Jésus a fini de son ministère, when he had finished ministering to people, quand il avait fini de veiller sur les gens, to the public, au public, to the multitude, à la multitude, then he was withdrawing. Après, il s'était retiré. Jesus, the son of the living God, Jésus, le Fils du Dieu vivant, was walking back, était en train de retourner after he had ministered, après qu'il accomplit son ministère. And that was the practice that every time the Lord had ministered, ça, c'était la pratique que chaque fois, quand il avait accompli son ministère, he always withdrew. Toujours il se retirait. To go spend some time in prayer. Pour aller passer quelque temps en prière. To go spend some time to be ministered to by the Holy Spirit. Pour aller passer quelque temps à être enrichi par le Saint-Esprit. And in one of those occasions. Et dans une de ces occasions. Step by step. Pas à pas, so in one of those days, dans un de ces jours, when he had ministered, quand il a eu enseigné and he was walking away, et qu'il était en train de s'éloigner from the temple of the Lord, du temple du Seigneur, listen to what happened. Écoutez ce qu'il est arrivé. Then the disciples of the Lord, dites les disciples du Seigneur, They began to come to him. Ils ont commencé à venir à lui. And when they came to him, et quand ils sont venus à lui, they had one purpose in mind. Ils avaient un but dans leur pensée. They told him, ils lui ont dit, Lord, Seigneur, look and see. Regarde et vois. Look and see. Regarde et vois. The temple of the Lord. Le temple du Seigneur. They were drawing the attention of Jesus. Ils étaient en train d'attirer l'attention de Jésus to the house of the Lord. Sur la maison du Seigneur. And as they did this, et comme ils le faisaient, they were trying to catch his attention. Ils essayaient d'attirer son attention on the architecture. Sur l'architecture. The beautiful architecture of the house. La belle architecture de la maison. The beautiful buildings of the house. La belle construction de la maison. And the Bible says, et la Bible dit in the book of Luke and other verses, dans l'évangile de Luc et les autres versets, they say, ils disent, they were drawing his attention to the beauty of the house. Ils étaient en train d'attirer son attention sur la beauté de la maison, including the gifts that were used to build the house. Incluant les dons qui ont été utilisés pour construire la maison. Like the gold that was used to make the pillars. Comme l'or qui a été utilisé pour faire les piliers. The gold that was painted on the roofs. L'or qui était peint sur le toit. Pure gold. De l'or pur. They were drawing his attention to the beautification. Ils attiraient son attention sur la beauté of the temple of the Lord on Mount Moriah. Du temple du Seigneur au mont Morija. They were trying to catch his attention on the adornation. Ils essayaient d'attirer son attention sur l'ornementation of the temple of the Lord. Du temple du Seigneur. But, mais, as they were doing this, comme ils étaient en train de faire ceci, as they were doing this, comme ils étaient en train de faire ceci, that is the time, ça c'est le temps when the Lord, où le Seigneur, the Lord disappointed them. Où le Seigneur les désappointait. Listen to me, why? Écoutez-moi, pourquoi? They were catching his attention to the beauty of the architecture. Ils attiraient son attention sur la beauté de l'architecture. The beauty of the house. La beauté de la maison. Then the Lord disappointed them. Et ensuite, le Seigneur les a désappointés. He broke their heart. Il a brisé leur cœur. Why? Pourquoi? Because the Lord said something that we are going to focus on today. Parce que le Seigneur a dit quelque chose sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. He said, il a dit, do you see those buildings? Vous voyez ce bâtiment? Do you see that house? Vous voyez cette maison? A time is coming. Le temps vient. A time is going to come. Un temps va venir. When those buildings must be brought down. Quand ce bâtiment va être détruit. And they were shocked. Et ils étaient choqués. But to make matters worse, faire la chose pire. He said, il a dit. And when they are brought down, mais quand il est détruit. No stone will be left on another. Et quand aucune pierre ne seront ensemble. Which means shattered completely. Qui signifie complètement détruit. They were very shocked. Ils étaient très choqués. The disciples. Les disciples. But listen to the beauty of this message. Alors écoutez la beauté de ce message. Now we are entering the beauty of this message. Maintenant nous entrons dans la beauté de ce message. Then, all of a sudden, ensuite, subitement, it dawned on those disciples. Ça vient de ces disciples. All of a sudden, subitement, they received an insight. Ils ont reçu une intuition. An inner understanding. Une connaissance intérieure. That, hey, what the Lord was actually talking about que et ce que le Seigneur était en train de parler was the end of the age. Était la fin des temps and his return to the earth. Et son retour sur la terre. Let me catch this again. Laissez-moi le répéter encore. Let me catch this. Laissez-moi saisir ceci. They discovered ils ont découvert very fast très vite that actually what Jesus of Nazareth was talking about. Que actuellement, ce dont Jésus de Nazareth était en train de parler was the end of the age, était la fin des temps and the return of the Messiah to the earth, et le retour du Seigneur sur la terre to take the church. Pour prendre l'Église. That wisdom must have only come from the Holy Spirit. Cette sagesse doit venir seulement du Saint-Esprit. But listen to this. Mais écoutez ça. You are going to tell me, look, vous allez me dire, regarde. The Holy Spirit had not been released. Le Saint-Esprit n'a pas été relâché. But I'm going to shock you now. Mais je vais vous choquer maintenant. I'm going to remind you je vais vous rappeler of the time when Jesus asked them, the disciples. Que, du temps où Jésus leur a demandé à ses disciples. Who do people say I am? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? And then he turned to them and said, how about you? Who do you say I am? Et ensuite il est venu à eux et il leur a dit, et à propos de vous, qui dites-vous que je suis? And they said, et ils ont dit, all kinds of answers. Toutes sortes de réponses. But Peter, mais Pierre, stood up and said, s'est levé et a dit, you are Christ, the Son of the living God. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. And he turned to Peter and he says, Peter, et il se tourne vers Pierre et il dit, Pierre, that has not come from the world. Ça ne vient pas du monde. Only my Father has released that to you. Seul mon Père te l'a révélé. In like manner, de cette manière, in the same way, du même point de vue, the Holy Spirit, le Saint-Esprit help the disciples aide les disciples to discern that Jesus was talking about the end of the age, à discerner ce dont Jésus était en train de parler, la fin des temps and he is coming. Et sa venue. So listen to what happens. That's where the message begins. Écoutez ce qui est arrivé. C'est là que le message commence. This is going to be so deep. Ça va commencer à être si profond. Listen to this. Écoutez ceci. When they realized quand ils ont réalisé but the bringing down of the temple, que la démolition du temple and the no stone left on another, et que le fait que plus de pierres ne resteront l'une sur l'autre was actually speaking about the end of the age, il était en train de parler de la fin des temps and the coming of the Messiah. Et de la venue du Messie. Look at what they did. Regardez ce qu'ils ont fait. The Bible says, la Bible dit. They then came up to him privately. Ensuite, ils sont venus à lui en privé. Not publicly. Non pas en public. Privately, precious people. En privé, précieux peuple. They came up to him. Ils sont venus à lui. Privately. En privé. And at that time. Et dans ce temps. He was already sitting on the Mount of Olives. Il était déjà assis au mont des Oliviers, on the rock, sur la montagne. Privately they came. Ils sont venus en privé. Then listen to what they asked. Mais écoutez ce qu'ils ont demandé. And they asked, et ils ont demandé, Lord, Seigneur, when will that happen? Quand est-ce que ça va arriver? And what will be the sign? Et quel va en être le signe? The signs, les signes of the coming of the Lord, de la venue du Seigneur. Which means you have returned, ce qui signifie ton retour. Your second coming, ta seconde venue. And the signs of the end of the age, et le signe de la fin des temps. Again, encore. When they realized, quand ils ont réalisé he was talking about that dispensation of the end, qu'il était en train de parler de la dispensation de la fin. And his return to the church to take her. Et son retour pour prendre l'Église. They came up privately to him. Ils sont venus à lui en privé and asked him, Lord, et ont demandé, Seigneur, when will this happen? Quand est-ce que ça va arriver? And what will be the signs? Et qu'est-ce que sera le signe de ton retour pour l'Église? And at the end of the age, et à la fin des temps, I am going to walk you there, don't worry. Je vais aller vous promener, ne vous en faites pas. And when the Lord, et quand le Seigneur opened his breath, a ouvert son souffle to answer them, pour leur répondre, when he just began to respond, quand il a juste commencé à répondre, therefore, ensuite, therein, là-dedans, came out, est sorti the biggest prophecy ever seen in the Bible. La plus grande prophétie jamais vue dans la Bible. I repeat, je répète, when the Lord, quand le Seigneur began to respond to them, a commencé à leur répondre, the most central prophecy in the whole Bible combined. La prophétie la plus centrale dans toute la Bible jointe était donnée. I say it this way. Je le dis encore. When the Lord, quand le Seigneur began to answer the disciples, a commencé à répondre aux disciples, when they said, what will be the sign? Quand ils ont dit, quel sera le signe? The most important prophecy in the whole Bible was then released. Alors la plus importante prophétie de toute la Bible a été donnée. And I want to call it, et je désire appeler ceci, the Mount of Olives prophecy. La prophétie du Mont des Oliviers.